بسم الله الرحمن الرحيم. نحن ما زلنا في هذا الكتاب البديع العظيم النفع الذي ألفه الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله وسماه القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. نحن ما زلنا في آخر القواعد التي ذكرها في هذا الكتاب، وفصله فصل كبير، فصله على عدة ماذا أقسام، وذكر فيها من الفوائد ما تشد لها الرحال. Donc on est toujours dans la lecture de la dernière règle qu'a évoqué le noble savant, le cheikh Mohammed Saleh ibn al-Uthaymeen, dans son livre intitulé Qawa'id al-Muthla, les règles élevées et hautes portant sur les attributs d'Allah et ses noms les plus parfaits. Donc on est dans la dernière règle sur le sujet, et c'est une règle qui est plus ou moins longue. C'est une règle qui est plus ou moins longue et qui a été partagée en plusieurs points. Donc là, le dernier cours, on a lu le passage où Cheikh Al-Uthaymeen évoque les différentes catégories de personnes en ce qui concerne la compréhension des textes portant sur les noms et les attributs divins. Donc on a vu la première catégorie qui sont les adeptes de la sunna et de la compréhension saine des textes divins. Ensuite, on a vu la deuxième catégorie. Naam. Qui sont eux, Mada, ceux qui ont interprété les textes divins d'une autre interprétation que leur sens apparent. Tamam. Et on est passé sur la troisième catégorie, qui eux ont totalement réfuté l'affirmation des attributs, des textes indiquant les attributs d'Allah Azza wa Jal. Donc, au sujet de cette dernière catégorie, Cheikh Al-Uthaymeen a évoqué plusieurs points, et on est arrivé au point où Cheikh Al-Uthaymeen yaqoul wa madhhabuhum batilun Minoujou. Et la voie que suivent cette dernière catégorie, les adeptes de cette dernière catégorie, qui est de réfuter totalement l'affirmation des attributs divins évoqués dans les textes sacrés, c'est-à-dire les textes du Coran et de la Sunna authentique. Et après le cheikh, « Wa madhhabuhum batilun min wujuh » أحدها أنه جناية على النصوص حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله جل وعلا ولا مراد له. Donc il te dit, Cheikh Al-Uthaymeen, que leur cheminement et leur voie est caduque et nulle. Et ce, de plusieurs points de vue. Le premier point de vue, car leur cheminement est un véritable sacrilège vis-à-vis des textes divins. Est un véritable sacrilège vis-à-vis des textes divins. قال حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد له. Pourquoi c'est un sacrilège? Parce que ils ont interprété ces textes par des interprétations qui de quelles découlent des sens, desquelles découlent des sens qui sont complètement purement simplement caduques et qui ne conviennent pas à l'être divin, l'être d'Allah Azza wa Jal, et qui ne sont nullement qui ne font nullement partie des buts pour lesquels Allah Azza wa Jal a proféré telle ou telle parole. Donc ça c'est le premier point qui constitue à dire que la voie que emprunte cette dernière catégorie est un sacrilège en ce qui concerne les textes, tout simplement parce que ils ont interprété les textes d'interprétation desquels découlent des sens qui sont caduques et qui ne conviennent nullement à l'être divin, l'être d'Allah Azza wa Jalla. الثاني أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام عن ظاهره والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأفصح اللسان أو بأفصح لسان البشر فوجب حمل كلام الله ورسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي. نعم. Deuxième point qui prouve le caractère caduque de ce cheminement. ماذا؟ Que le fait de détourner la compréhension des sens apparents en ce qui concerne les paroles d'Allah et les paroles du prophète alayhi salatu wassalam, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interpellé par ces paroles-là un peuple qui parlait une langue arabe pure. Il les a interpellés en leur demandant de raisonner sur ses propres paroles, en leur demandant de réfléchir et de méditer sur ses propres paroles, en leur demandant de comprendre ce que recèlent ces paroles qui ont été dites en arabe. Et le prophète également, il a parlé à son peuple avec la langue la plus éloquente, la langue humaine la plus éloquente, qui n'est autre que la langue arabe. Donc, on se doit, et il nous est impératif, de comprendre les paroles d'Allah Azza wa Jal et de son messager, dans leur sens apparent, que l'on comprend dans cette langue arabe. Naam. غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق الله تعالى. Sans oublier que on se doit bien sûr de protéger toute forme de préserver ces textes de toute forme de pensée pouvant nous emmener à comparer les attributs d'Allah avec les attributs d'autrui. Lorsque, bien sûr, les textes portent sur les attributs divins, les attributs d'Allah Azzawajal. Naam. قال والثالث أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه طيب أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قول على الله بلا علم وهو محرم لقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Et aussi, troisième point de vue prouvant le caractère caduc du cheminement de la troisième catégorie, madame, c'est que le fait de se détourner du sens premier de la parole d'Allah ou de la parole de son messager, ça constitue une forme de parole au sujet d'Allah sans la moindre science. Et Allah a fortement interdit de parler à son sujet sans la moindre science, comme c'est dans les versets de Sourate A'raf, le verset 33, où Allah subhanahu wa ta'ala a dit, « Dis, c'est-à-dire dis au Muhammad, certes, mon Seigneur a interdit les... perversion ou les turpitudes en tout genre, les apparentes comme les cachées, les turpitudes apparentes comme cachées, ainsi que les péchés en tout genre et la transgression sans le moindre droit. Et aussi, il a interdit que vous associez en Allah Azza wa Jal ce dont vous n'avez aucune preuve et que vous disiez sur Allah ce dont vous n'avez aucune science. Wa li qawlihi subhanahu wa ta'ala ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Et aussi dans le verset 36 de sourate Al-Isra, le voyage nocturne, Allah subhanahu wa ta'ala dit: et ne dis pas ce dont tu n'as pas de science, ne parle pas de ce ou sur des choses dont tu n'as pas de science, car certes l'ouïe, l'audition ou la vue ainsi que le cœur seront interrogés. Fa as-sarif li kalam Allah ta'ala wa rasulihi 'an dhahirihi ila ma'nan yukhalifuhu qad qafa ma laysa lahu bihi 'ilmun wa qala 'ala Allah ma la ya'lamu min wajhayn. Donc celui qui détourne les sens premiers des textes ou des paroles divines d'Allah ou les paroles de son messager, vers des sens qui les contredisent, en des sens qui contredisent le sens premier de ces paroles, les paroles d'Allah et les paroles de son messager, alors, ces personnes-là ont certes forgé au sujet d'Allah Azzawajal des paroles sans science. Et ceci de deux points de vue. Et ceci de deux points de vue. Al-awwal, annahu za'ama annahu laysa al-muradu bi kalami Allah ta'ala wa rasulihi kadha. Ma'a annahu zahiru al-kalam. Premier point de vue, c'est de dire que cette personne-là, qui a un tel cheminement, il prétend que ce n'est pas le but visé des paroles d'Allah Azza wa Jal ou de son messager. Alors que ces paroles-là, ont un sens premier, un sens prépondérant, celui qui, yani le premier qui nous vient à l'esprit. Lui, il vient, il dit non, c'est pas ce sens-là. Déjà, là, on comprend pourquoi il est considéré comme avoir parlé sur Allah Azza wa Jal sans la moindre science. والثاني أنه زعم أن المراد به كذا نعم لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام Et deuxièmement, parce qu'il a prétendu que le but visé de la parole d'Allah est tel ou tel sens, qui n'a rien à voir avec le sens premier. Qala, wa idha kana min al-ma'lum anna ta'yina ahad al-ma'nayayn al-mutasawiyayn fi l'ihtimal qawlun 'ala Allah bila 'ilm, fama dhannuka bi ta'yini al-ma'na al-marjuh al-mukhalif li dhahiri al-kalam. Kalam jamil le cheikh Al-Uthaymeen. Et donc là, Cheikh Al-Uthaymeen te dit, si toutefois, quand on a un mot qui a plusieurs sens égaux, c'est-à-dire, on a un mot qui a plusieurs définitions, mais sans jamais qu'on trouve que l'une des définitions, d'une manière absolue, a le dessus sur l'autre. Tamam? Comme lorsqu'on a vu le mot qur. Qur. En arabe, al-qur, ça peut signifier soit les menstrues, ça peut signifier soit les menstrues ou mada, soit le moment de pureté. Soit les menstrues, soit les fins de la fin de la période de menstrues. Taïe. Ces deux définitions-là, elles sont du même degré. C'est-à-dire que lorsqu'on emploie sans le moindre indice le mot qur, on ne peut pas savoir sans le moindre indice qu'est-ce qui est visé. Est-ce que l'on vise al-hayd ou les menstrues ou est-ce qu'on vise la période de fin de menstrues? Puisque les deux définitions sont au même niveau. Taïb. Là, Cheikh Al-Uthaymeen te dit, quand tu as un mot de ce genre, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs sens, dont les sens sont à caractère égaux, il te dit, tu ne peux pas choisir l'un des sens et le faire prévaloir sur l'autre sans la moindre preuve. Donc, par exemple, au sujet du mot qur, on ne peut pas prétendre que c'est les menstrues sans avoir un dalil, sans avoir une preuve qui nous montre cela. Ça, c'est lorsqu'il s'agit des mots qui ont plusieurs sens à caractère égaux. Il te dit, alors qu'est-ce qu'il en est pour des mots qui ont plusieurs sens, mais dont certains priment sur d'autres? Par exemple, lorsque on utilise le mot himar. Le mot himar, le sens premier du mot himar, c'est le hayawan. C'est l'animal. Quand on parle du mot himar, c'est-à-dire l'âne. Et même en français aussi, on trouve son équivalent. C'est-à-dire, quand on utilise le mot âne, un âne, le premier sens qui nous vient à l'esprit, c'est l'animal domestique. L'âne. Hein? Mis entre le cheval et le poney. Tamam? Donc, cet animal-là, c'est l'un des sens du mot âne. Tamam? Maintenant, il y a un sens aussi que l'on extirpe du mot âne, c'est l'idiot, celui qui est bête. On dit de lui que c'est un âne. Taïb? Maintenant, ces deux définitions que l'on extirpe du même mot, elles ne sont pas à un degré égal. Elles ne sont pas à un degré égal. Le sens premier, c'est que l'âne caractérise un animal précis. Et le deuxième sens qui est moins employé, c'est que l'âne désigne un individu sot ou idiot. Tamam? Donc là, le Shir al-Uthaymeen, qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre par ça, cette parole-là? Il veut nous dire que quand on a une parole ou quand on a un mot qui contient deux sens à caractère équivalent et égaux, on n'a pas le droit de pencher vers l'un des deux sans le moindre dalil. Alors qu'est-ce qu'il en est pour un mot qui a plusieurs sens, mais dont l'essence premier prévaut sur les autres sens. Et nous, on va chercher les autres sens sans le moindre dalil. Sans le moindre dalil. C'est encore plus. C'est encore plus évident en termes d'égarement que le premier exemple. Vous avez compris? Par exemple, là, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Bal yadahu mabsoutatan, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran qu'il a deux mains qui sont élargies. Ind al-Arab, chez les Arabes, on peut employer le mot yad, on peut employer le mot main pour désigner la main, et c'est le sens premier, hein? Et on peut aussi l'utiliser comme étant la force. Mais c'est un sens rare qu'on emploie rarement. Donc là, eux, par exemple, c'est Mu'attila, c'est cette secte qui réfute l'affirmation des attributs divins, ils vont venir dans ce verset-là et ils vont affirmer que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas une main, mais c'est la quwwa, c'est sa force. Ce n'est pas la main, c'est la quwwa. Donc ils sont partis, ils ont basculé sur un sens qui est rare, mais sans le moindre dalil. Sans le moindre dalil. Alors que nous, on sait déjà que si la parole, si par exemple le mot yad, il avait plusieurs sens, mais équivalents, on n'aurait jamais pu en choisir un sur l'autre sans la moindre preuve. Donc comment, là, dans un mot qui contient des sens, prioritaire sur d'autres, on va se détourner des sens prioritaires pour d'autres sans le moindre dalil. Sans le moindre dalil. Taïb. Qala, Cheikh Al-Uthaymeen, Mithal dhalika qawluhu ta'ala li Iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yaday. Et en exemple de cela, la parole qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Iblis en lui disant: qui t'a interdit de te prosterner pour celui que, ou face à celui que j'ai créé par ma main? Qala fa'idha sarafa al-kalam an zahirihi wa qala lam yurid bil yadayn al-yadayn al-haqiqiyatayn wa innama arada kada wa kada qulna lahu ma daliluka ala ma nafayt wa ma daliluka ala ma athbatta. فإن أتى بدليل وأن له ذلك وإلا كان قائلا على الله بلا علم في نفيه وإثباته. جميل جدا. Hein? Donc là, Cheikh Al-Uthaymeen il te dit, donc là, dans ce verset-là, où Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a créé, il blâme Iblis en lui disant: pourquoi tu ne te prosternes pas pour celui que j'ai créé avec ma main? Et lui, Cheikh Al-Uthaymeen il dit: si on demande à ce genre d'individu, ils te diront que le sens premier n'est pas le sens que j'ai créé avec mes deux mains. Excusez-moi, le verset c'est que j'ai créé avec mes deux mains. Si on leur pose la question, ils diront qu'Allah ne voulait pas parler de ses deux mains, de deux mains, il ne voulait pas parler de deux mains réelles. Mais il voulait dire tel et tel sens. S'ils nous affirment ça, on leur demandera: quelle est votre preuve pour ceux que vous avez réfutés? Comme quoi Allah ne veut pas dire le sens premier. Taïb. Et on leur demandera aussi: et quel est votre dalil pour dire que c'est ça? Parce qu'il faut savoir, Yahwan, que Al-Mubtadi'a, ils montrent pas les bonnes. Ils se contredisent totalement. Il y en a, ils vont dire c'est la Quwa. Il y en a, ils vont dire c'est la Rahma. Il y en a, ils vont dire c'est Rubama al-Malaika, ou ma ila dhalik. Naam. Ils se contredisent totalement. Ça montre qu'ils ne sont pas, même dans ce qu'ils affirment, ils ne sont pas sur une preuve ferme. Parce que tantôt, il y en a, ils vont dire c'est la miséricorde d'Allah. Les mains, c'est la miséricorde d'Allah. Ils vont dire, d'autres, ils vont dire non, c'est la force, la puissance d'Allah. Ou autre. Ça montre qu'ils ne se basent sur rien. Ça montre qu'il ne se base sur rien. طيب والوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل. Et le quatrième point de vue qui nous prouve le caractère caduc de cette secte, cette troisième catégorie, أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها فيكون باطلا لأن الحق لا ريب بل لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها. نعم طيب. Quatrième point de vue, on leur dit que le fait de se détourner du sens premier des textes, ce n'est pas la guidée sur laquelle le prophète alayhi salam était, ainsi que ses compagnons et les pieux prédécesseurs de Yani qui ont suivi son époque. Ok, là, comment on peut affirmer que ce n'est pas la voie sur que le prophète alayhi salam a suivi, alors qu'on n'a pas forcément de dalil qui nous indique que le prophète alayhi salam a dit au sujet des deux mains, que c'est bel et bien les deux mains d'Allah Azzawajal. On n'a pas de dalil où Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que, madame, au sujet du basar, que c'est bel et bien le basar, c'est bien et bien la vue d'Allah Azzawajal. Ou le qadam, c'est bel et bien le pied d'Allah Azzawajal. Ou autre. C'est quoi le... Comment on pourrait joindre la parole du shir avec ce que je viens de dire, en sachant que vous pouvez répondre sur le forum Mixer, on a résolu le problème. Vous avez compris la question, Yann Khouan? Là, Shir Al-Utaymin il dit que le fait de se détourner du sens premier des textes divins portant sur les attributs, ce n'est pas la voix du prophète ni de ceux qui les ont suivis. Tamam. Donc si ce n'est pas la voix du prophète alayhi salatu wasalam, forcément, ça, c'est qu'on a un dalil et que le prophète alayhi salatu wasalam a affirmé les noms, les attributs divins en disant qu'ils sont bel et bien réels. Or, on n'a pas de parole explicite sur le sujet du prophète alayhi salatu wasalam. Comment on comprend que cette secte ne sont pas sur la voie du prophète alayhi salatu wasalam et de ses compagnons. Ma foi, monsieur, la question elle est comprise chez tout le monde. Taïeb. Tout simplement, il y a un Juan, comme on l'a vu dans des cours précédents, que si le prophète alayhi salatu wasalam, ainsi que ses compagnons, ils ne se sont nullement souciés de préciser qu'il s'agit réellement des attributs d'Allah, c'est tout simplement parce que c'est explicite, c'est suffisamment explicite, le sens premier suffit. Et si le sens premier n'était pas le but visé, alors il nous l'aurait expliqué. Hein? Il nous aurait expliqué cela. Taïb. قال الوجه الخامس. الوجه الخامس. أن يقال للمعطل هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ فيقول لا. ثم يقال له هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟ فسيقول نعم. ثم يقال له هل تعلم كلاما أفصح وأبين من كلام الله تعالى؟ فسيقول لا. ثم يقال له هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق على الخلق في هذه النصوص ليستخرجوه بعقولهم؟ فسيقول لا. Donc là, cinquième point de vue nous prouvant le caractère batil de cette secte, c'est qu'on peut dire à l'un d'entre eux, Est-ce que tu es plus connaisseur d'Allah que lui-même? Est-ce que tu es plus connaisseur d'Allah que lui-même? Il nous dira bien sûr non. Est-ce que, en sachant que toutes les questions que Cheikh Al-Uthaymeen va poser là, pour un quelconque individu suivant cette voie, c'est ce que implique sa parole, c'est ce qu'implique son suivi, le suivi de la voie qu'il a choisie. Donc, il lui demande, est-ce que tu es plus savant ou tu es plus connaisseur d'Allah que lui-même? Il répondra non. On lui dira ensuite, est-ce que ce qu'Allah nous a informé dans le Coran ou sur la langue de son prophète, alayhi salatu, c'est une vérité et c'est une vérité et à la fois une véracité. Ça, c'est yaqulu na'am. Il dira oui. Et on lui demandera, est-ce que tu connais des paroles plus éloquentes et plus explicites que les paroles d'Allah? Il te dira non. Et ensuite, on lui dira, est-ce que tu penses qu'Allah a voulu cacher la vérité à ses créatures au sujet de ces textes, afin qu'ils l'extirpent de par leur propre raison? Il dira non. Il dira non. Qala, hadha ma yuqalu lahu bi'tibari ma ja'a fil Qur'an. Donc ça, c'est un petit échange qu'on pourrait lui donner. En ce qui concerne ce qui nous est venu du Coran. وَأَمَّا بِاعْتِبَارِ مَا جَاءَ فِي السُّنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ هَلْ أَنْتَ أَعْلَمُ بِاللَّهِ مِنْ رَسُولِهِ. Mais en ce qui concerne la sunna du prophète, alayhi ou ce qui nous est venu de la sunna authentique, on lui dira à cette personne-là, est-ce que tu es plus connaisseur? Est-ce que tu es plus connaisseur d'Allah que son propre messager? فَسَيَقُولُ يَقُولُ لَا. Il dira que non. ثُمَّ يُقَالُ لَهُ هل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله صدق وحق؟ فسيقول نعم. Est-ce que, ensuite on lui dira, est-ce que ce que nous a informé le prophète عليه الصلاة والسلام au sujet d'Allah est véracité et vérité? Il dira oui. ثم يقال له هل تعلم أن أحدا من الناس أفصح كلاما وأبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول لا. Et on lui dira, est-ce que tu connais quelqu'un parmi les êtres humains plus éloquent et plus explicite que le prophète alayhi salatu wassalam? Il dira non. Thumma yuqalu lahu, hal ta'lamu anna ahadan min an-nas ansahu li'ibadillahi min rasulillah? Fasayaqulu la. Est-ce que, ensuite on lui demandera, est-ce que tu connais quelqu'un plus un être humain plus vigilant et plus attentionné à conseiller les créatures ou les serviteurs d'Allah que le messager d'Allah? Il dira non. فيقال له إذا كنت تقر إذا كنت تقر بذلك فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام على حقيقته وظاهر On lui dira alors à cette personne-là, si toutefois tu affirmes, tu confirmes tout ce qui vient d'être dit, pourquoi n'as-tu pas cette fougue et ce courage d'affirmer ce que Allah subhanahu wa ta'ala a lui-même affirmé sur son propre être et que le prophète alayhi salatu wassalam lui a affirmé avec véracité? Bien sûr, en fonction de ce qui convient à Allah Azza wa Jal. De la manière yani, qui convient à Allah Azza wa Jal. Qala, ensuite, Cheikh Al-Uthaymeen, il continue, on termine sur ce court passage. Wa kayfa yakunu 'indaka al-iqdam? Wa kayfa yakunu 'indaka al-iqdam wash-shaja'a fi nafi haqiqatihi tilk wa sarfihi ila ma'nan yukhalifu dhahirahu bighayri 'ilm? Et comment pourrais-tu avoir la fougue et le courage de réfuter la réalité de ces textes et de te détourner de leur sens premier vers un sens qui les contredit totalement, sans la moindre science? وماذا يضيرك إذا أثبتت لله تعالى وأثبته وإذا أثبتت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو سنة نبيه على الوجه اللائق به. Et qu'est-ce qui te gêne dans le fait d'affirmer pour Allah Azza wa Jal ce que lui-même a affirmé pour lui-même ou ce que son messager a affirmé pour lui, bien sûr, d'une manière, de la manière qui lui convient. فَأَخَذْتَ بِمَا جَاءَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ إِثْبَاتًا وَنَفْيًا. Car de la sorte, tu auras pris ce qui est venu dans le Coran et dans la Sunna en d'une manière affirmative ou négative. طيب أفليس هذا أسلم أفليس هذا أسلم لك وأقوم لجوابك إذا سئلت يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين. N'est-ce pas cette voie-là plus saine et plus pure et plus préservatrice pour toi lorsque tu seras interrogé le jour de la résurrection, qu'avez-vous répondu au messager? أوليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهرها وتعيين معنى آخر مخاطرة منك. Et n'est-ce donc pas que le fait que tu te détournes des sens premiers des textes concernant les attributs divins vers des sens faibles ou critiquables, n'est-ce pas cela dangereux pour toi? فلعل المراد يكون على تقدير جواز صرفها غير ما صرفتها إليه. Et il se peut, et ça c'est يعني افتراضا, c'est-à-dire si toutefois on accepte cette manière de penser en disant qu'on peut se détourner du sens premier du texte sans le moindre dalil. Tamam. Qui nous dit que le sens qu'on a affirmé, c'est le sens qu'Allah a voulu? C'est le sens qu'Allah a voulu. Naam. فَكُلُّ هَذَا لِيَدُلُّكُمْ عَلَى بَاطِلٍ مِنْ عِدَّةِ أَوْجُهُ. Donc tout ça, ça vous montre le caractère caduc de cette secte. وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ وَنَكْتَفِي في هذا الدرس بهذا